Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse Eine Tartete Kunst ou l'art dégénéré, une série de Christine Le Cerf réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a Munich, en juillet 1937, et une exposition qui va circuler 4 ans en Allemagne. Il y a ce que les nazis ont appelé l'art dégénéré et qui désormais peut s'enorgueillir d'avoir été stigmatisé. Cubisme, expressionnisme, abstraction, surréalisme, dadaïsme. Et il y a aussi une autre exposition, en miroir, de l'autre côté de la rue, celle d'un art allemand idéalisé, pur et figuratif. Alors, face au mépris institué, il faut faire l'effort d'ausculter la relation du nazisme à l'art, explorer les trafics, le vol, la spoliation, la sélection, la destruction et cohabiter avec un vocabulaire meurtrier. Alors pour commencer, les personnages. Une jeune femme sur les traces de la collection de son grand-père, une Québécoise qui piste les Klimt de son grand-père, des conservateurs qui veulent restituer, d'autres qui se taisent, des avocats qui ne lâchent pas l'affaire et une historienne qui mesure les conséquences d'une blessure. Ensuite le décor, des musées muets, des plaintes sans suite, des tableaux dont on feint de ne pas connaître les propriétaires, des enquêtes douloureuses, des appartements vidés, des tableaux décrochés et des inventaires sinistres. Aujourd'hui, 4e épisode, on est à Paris et on regarde des photos. Totalement comment vous décrire parce que... Alors, c'est un appartement... Alors ça, je croyais que c'était le salon, mais non, ce n'est que son étude. C'est comme ça qu'on appelait le bureau. Et vous voyez, tu sais pas, on voit qu'il y a un Renoir, il y a la Pensée, il y a un très beau Monet qui s'appelle les Pins d'Antibes, du Cap d'Antibes. Là, c'est un Degas, je ne sais plus le titre exact, mais c'est une femme se coiffant. Le Givre de Sisley... Pas mal de ces tableaux seront vendus en 1932. Et c'est des Fragonard, des Watteau. Voilà, ça, c'est un beau Tiepolo. Je savais qu'il avait une très belle collection, mais j'avais aucune idée de l'ampleur de cette collection, en fait, c'est ça. Je pensais qu'il avait une vingtaine de beaux tableaux, et j'étais très fière de dire de temps en temps, oui, mon grand-père, c'était un grand collectionneur qui a tout perdu, dont la famille a tout perdu et qui, pour payer les dettes de sa famille, a vendu ses impressionnistes. Et bien en fait, la réalité n'est pas celle-là. La réalité est beaucoup plus complexe. Et puis j'ai retrouvé un dossier sur ma famille, de plainte que ma famille a instruite, que je vous ai apporté, qui est assez incroyable, dont on m'a jamais parlé de 1958 à 1974. Officiellement, dans ma famille, il s'était rien passé au début. Et puis finalement, au bout de 6 mois, je demande à un étudiant allemand en histoire d'aller voir dans les archives principales de Berlin s'il n'y a rien quand même, s'il n'y a pas une plainte qui a été déposée, soit par mon arrière-grand-mère, soit par sa famille. Et je retrouve un dossier au nom de ma grand-mère à moi, d'une plainte qui aurait couru effectivement pendant 17 ans. Donc 17 ans d'échanges d'avocats. Elle avait repris la liste des objets, et puis une liste de tableaux et d'objets d'art, et un lion en bronze égyptien. Et tout ça est en allemand avec de temps en temps des choses traduites en français. Et en fait, ça m'a beaucoup émue de voir qu'elle s'est battue si longtemps, et sans aucun succès en fait. Elle n'a rien réclamé, et je sens à la fin un léger découragement, parce que je lis ses lettres et je vois qu'elle ne peut plus. De devoir payer un avocat très cher pendant 17 ans, de se battre et de ne pas être entendu, ça me touche et du coup, je crois que ça me motive encore plus de continuer. Entartete Kunst, l'art dégénéré. par Christine Leserve. Aujourd'hui, la blessure mémorielle. C'est un collectionneur d'art qui s'appelait Jules Strauss, qui est arrivé d'Allemagne, c'est donc d'origine allemande, en 1861, et qui a commencé tout de suite sa collection. Il avait 20 ans et il a eu un goût assez sûr qui lui a permis de vivre de sa collection. Il est mort à Paris en 1943, pendant la guerre. Pauline Baer. Alors c'était très éclectique, il a été un des premiers à acheter les impressionnistes, des premières ventes d'ateliers de 1900, de Degas. J'ai toujours peur de dire des bêtises parce que je suis complètement novice, je connaissais rien au monde de l'art. Ni en histoire, ni en art, je suis vraiment débutante. J'ai aucune légitimité à faire ça, si ce n'est que c'est l'histoire de ma famille. Alors là, je cherche quels sont les tableaux qui ont pu être volés par les nazis pendant la guerre. Il y a des tableaux qu'il a vendus et il y en a d'autres qui ont disparu. Et j'ai commencé cette enquête sur les sites internet, tout simplement, puisque j'y connaissais rien. Donc je suis allée sur le site de RR Project. Donc c'est le grand organisme de spoliation, c'était le RR. Et je me suis dit, bon, ben on va commencer par le plus simple. Et sur ce site, j'ai trouvé une référence à un tableau. J'ai tout de suite trouvé, en fait, sur Internet des choses, des tableaux, deux tableaux qui ont apparu sur Internet. Mais une fois que j'avais le nom de ces tableaux, il fallait quand même que je retrace ce qui s'était passé. Pourquoi ces tableaux, où il y avait écrit un moment collection Strauss, est-ce qu'ils avaient été volés? Est-ce qu'ils avaient juste fait partie de cette collection? Il fallait que je comprenne. Donc j'ai tout de suite trouvé ces tableaux, et puis après j'ai dû retracer toute l'histoire de ces tableaux. Donc je suis allée en Allemagne, je suis allée à Koblenz regarder dans les archives nazies, je suis allée dans tous les centres d'archives en France, enfin à Paris, n'y connaissant rien, sachant pas tellement comment m'y prendre. Mais donc je suis partie un peu dans tous les sens au début, en allant dans tous les centres d'archives, et puis peu à peu je me suis rendu compte que c'était vraiment une aiguille dans une botte de foin, mais que c'était pas grave, parce que j'avais le temps, que ça me passionnait, que j'apprenais des choses. Alors j'ai continué toujours dans tous les sens. Voilà, c'est ma méthode. Je crois que ça peut soulever pas mal de questions dans les familles. Moi, la première chose que j'ai faite, c'est de parler à tous les gens de ma famille qui m'ont dit « Mais non, il s'est rien passé, tu rêves ». Puis dans la même phrase, ah oui, c'est vrai, ma mère s'est beaucoup occupée de recherche. J'ai dit, mais alors pourquoi tu me dis ça? Et c'était pas un mensonge, c'est qu'il y a une petite volonté de pas vouloir en parler dans les familles. On parlait pas de ces choses-là. Juste après la guerre, c'était trop douloureux, on n'en parlait pas. La génération d'après, j'ai l'impression, a voulu passer à autre chose. Et voilà, le sentiment que j'ai, c'est que c'est peut-être plus deux générations après que ça se. Il y a peut-être moins d'implications émotionnelles, on a envie de savoir ce qui s'est passé maintenant. Cette question de la spoliation a touché toute l'Europe. Elle ne concerne pas seulement les Allemands. Nous devons tous nous en occuper à un niveau international. Et c'est à notre génération, je crois, qu'il incombe aujourd'hui de faire avancer les choses. Ça ne commence pas avec la stunde 0, 1945. Sondern es gibt verschiedene Traditionen. L'histoire ne s'est pas arrêtée avec la fin de la guerre. Noch keine 20 Jahre her, die Washingtoner Konferenz. En 1998, des principes ont été votés lors de la conférence de Washington, qui ont permis une toute nouvelle approche de ces questions. « Mein Name ist Bernhard Marz. Je m'appelle Bernhard Marz. Et je travaille au sein des musées depuis 1986. J'ai contribué à la restitution d'une œuvre d'art spoliée pour la première fois à Berlin en 1990. Le tableau qui se trouvait à Berlin-Est a pu être rapatrié à Tegel et restitué à la famille von Heinz. Und wir haben in Berlin il y a eu beaucoup de restitutions en Berlin. Dann war ich in Dresden und habe an diesem Thema weitergearbeitet. Puis je suis parti à Dresde, où j'ai continué à m'occuper de ces questions. Je suis maintenant à Munich. Beschäftigt uns als ganze Generation. Et je vois bien que c'est une question cruciale pour toute notre génération, qui me concerne doublement à un titre personnel et professionnel en tant que directeur général de tous les musées de Bavière. Voilà. Voilà le catalogue. Hermann Göring était l'un des dirigeants les plus importants du national-socialisme. Mais il était aussi l'un des plus gros collectionneurs au sein du parti. Nous possédons à la Pinakothèque de Munich une partie de sa collection. En 1999, nous avons entamé une recherche sur la provenance des œuvres de ce fonds Göring. Au Munich, c'était un grand pas. Le point de départ d'un véritable travail sur notre propre passé. Comme vous le savez peut-être, tous les musées allemands avaient reçu une directive un an après la publication des principes de Washington sur les œuvres spoliées. Ce code de conduite a été pris très au sérieux à Munich. Il est devenu comme une sorte de fil rouge au plan moral et éthique, mais également pratique et pragmatique. Ce projet de recherche qui s'est étendu sur plusieurs années a abouti à ce très gros catalogue d'Ilse von Zurmühlen, qui recense toutes les œuvres, les photographies et retrace l'histoire de leur provenance. Mais ce livre dresse également l'inventaire des œuvres qui ont été vendues par les musées de Bavière après-guerre. Dans les années 1966-67, on ne considérait pas ces œuvres comme étant dignes de figurer dans un musée. Das waren jene Werke, die nicht, wie man damals meinte, also vor einem halben Jahrhundert meinte, on ne savait pas quoi en faire. Museumswürdig sind, sondern mit denen man nichts mehr anfangen konnte. Alors, on s'en est débarrassé. Das ist aus unserer heutigen Sicht vielleicht irritierend. Ce qui peut nous déconcerter aujourd'hui, mais qui était compréhensible pour l'époque. Aujourd'hui, on entreprendrait une recherche de provenance, on mettrait tout en œuvre pour identifier d'éventuelles spoliations et enclencher des procédures de restitution. Je voudrais ajouter quelque chose parce que cela me tient vraiment à cœur. Nous devons regretter le fait d'avoir mis autant de temps à nous poser les questions éthiques que nous nous posons avec autant d'acuité aujourd'hui. La question de la restitution n'est pas qu'une question juridique, c'est aussi une question morale. Il est très important de s'interroger sur ce que l'on recherche et sur ce que l'on publie. Nous en sommes là aujourd'hui parce que les actes commis par la génération de nos grands-parents n'ont pas été examinés parce que la génération de nos parents a voulu tirer un trait sur ce passé. Restituer une œuvre d'art ne peut rien réparer. Mais cela peut être le symbole d'une réflexion sur la culpabilité. En ce sens, l'œuvre restituée peut réparer quelque chose. Les œuvres d'art sont des symboles. les restitutions sont des actes qui créent des liens entre les hommes et qui, dans le meilleur des cas, parviennent à les réconcilier. C'est pourquoi il est si important de parler de restitution. Car on ne peut pas tout régler sur un plan uniquement juridique. L'œuvre d'art n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas un morceau de terre spolié. C'est un objet qui se transporte. Un mobiles objet et un gegenstand des erinnerns, in dem Falle für beide Seiten. Un objet du souvenir qui peut transiter des deux côtés. Mon grand-père est mort le 26 septembre 2012. Il avait 84 ans. Edith Jorich. Avant de mourir, il avait commencé à me raconter son histoire. Ici, dans cette pièce maintenant vide. Pour moi, c'était un grand-père singulier et mystérieux. Pas tout à fait québécois, pas tout à fait européen. Je savais qu'il venait d'une famille juive de Vienne, qui avait survécu à la Deuxième Guerre mondiale, que sa mère et sa grand-mère n'avaient pas eu cette chance. Je savais qu'enfant, mon grand-père avait tout perdu, que les nazis lui avaient tout pris. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que l'étoile de Klimt était accrochée dans ta maison quand tu étais jeune? Oui. Ils étaient accrochés dans ce qu'on appelle le salon rouge. C'était un grand salon en longueur, avec au fond une fenêtre, comme on appelle en anglais, une bay window. En allemand, on appelle ça un erker. Et alors, les tableaux étaient accrochés à gauche, à droite. Georges Jorich. Mais j'ai trouvé ça curieux. C'était différent des peintures qu'on vantait. On vantait toujours des peintures, genre Titien, Raphaël, Durer, etc. Donc des peintures dites classiques. Et je voyais bien que ce n'était pas une peinture classique, que c'était quelque chose de beaucoup plus moderne. Et j'aimais bien ça. Die Ostmark ist heimgekehrt. Das Reich ist wieder erstanden. Das Volksdeutsche Reich. Le jour de l'Anschluss, on savait que c'était foutu. Mon père, le soir, a téléphoné à ma mère, disait « Prends tes bijoux, prends tout ce que tu peux avoir comme argent, et prends la voiture, viens, viens, on peut encore partir, on va aller en Tchécoslovaquie. » Ma mère disait, il ne voulait rien savoir. Et le lendemain, les Allemands sont entrés. J'étais assis avec la servante. Il y avait le tank qui roulait. Et alors, elle disait sans arrêt, tant de tanks. Elle comptait 80 tanks. Il y en a encore qui passent. Je savais que c'était pas bon, mais je ne savais pas dans quelle mesure et pourquoi. J'avais 10 ans. Et après la guerre, nous vivions en Belgique, j'allais à l'école. Et je ne m'occupais pas beaucoup des Pocastorf, je ne m'occupais pas des Klimt. Pour moi, c'était un chapitre qui était fini. C'était... Ma mère et ma grand-mère étaient mortes. Pocastorf ne nous appartenait plus. C'était fini pour moi. Faisons autre chose. Cette histoire a commencé le jour où mon grand-père a vu dans un livre des toiles du peintre autrichien Gustav Klimt. Il s'est alors soudainement rappelé que deux de ses paysages étaient accrochés dans la maison de sa grand-mère, en Autriche, quand il était petit. Ces tableaux de Klimt sont alors devenus les symboles de ce qu'il croyait avoir perdu. Je J'ai été l'avocat de Georges Jurich. Je l'ai défendu pendant de longues années. Je me suis pour ainsi dire battu pour que les deux tableaux de Klimt lui soient restitués. Georges Jurich est un cas exemplaire. C'est quelqu'un qui ne lâche pas, qui ne renonce jamais. Il n'était qu'un petit employé dans un magasin de photos. Mais il a su rester tenace. Il n'a jamais baissé les bras. Sans jamais se laisser envahir par le chagrin ou la colère, il a dit très simplement, ces tableaux étaient accrochés chez nous, à la maison. Mais je les ai décrits tous les deux, qu'à la base on voyait l'eau et qu'on voyait les maisons du village. Et entre les maisons, il y avait des arbres. Et alors, l'autre tableau, c'était une vue d'un lac aussi, avec de l'eau à la base, le rivage avec des maisons. On voyait les toits à travers les arbres. Et derrière, ça monte très fort la colline abrupte vers le ciel. Donc on voit un bout. Les tableaux étaient un bleu-vert. Et j'ai décrit que le toit était un rouge, comme on trouve dans les tubes de peinture de Winsor & Newton. Alfred Knoll. Und hatte ein großes Glück. Et Jurich a eu beaucoup de chance, parce qu'il avait un père avocat. De retour à Vienne après 1945, son père avait fait une chose très exceptionnelle pour l'époque. Il s'était rendu dans le premier bureau de police venu pour faire une déclaration. Man hat uns bestohlen. Des voleurs leur avaient tout pris. Un vol avait été commis. Also hat die Nazis, et il utilisait pour qualifier les nazis le terme qu'utiliserait un juriste à leur propos. Sie sind Diebe und Räuber. À savoir celui de bandits ou de voleurs. Und das hat er zur Anzeige gebracht. Une plainte a donc été déposée. Das hat damals dazu geführt, et on a dressé un inventaire de tous les objets qui avaient été volés. Von den Bildern. Et c'est uniquement grâce à cette liste und nur diese Inventarliste war die Möglichkeit, dann 40, 50, 60 qu'on a pu, Jahre 40 später, ans plus tard, 50, 60 ans plus tard, savoir au moins de quelles œuvres il s'agissait. Et on a eu de la chance, on a pu déterminer que l'un des deux tableaux se trouvait à Graz. Et ce fut le début de longues négociations qui ont duré des mois et des mois. Mais on est parvenu à ce que Georges Jurich rencontre la famille qui possédait le tableau. Et là, il s'est passé quelque chose que l'on pourrait qualifier de miracle de la réconciliation. Und wir kamen zu einer Vereinbarung. Nous sommes parvenus à un accord. Klimt-Bilder dürfen aus Österreich nicht ins Ausland geführt werden. Il faut savoir que les tableaux de Klimt n'ont pas le droit de sortir d'Autriche. C'est le patrimoine culturel national. Das heißt, ein Klimt-Bild, quand on possède un tableau de Klimt, on n'a pas le droit de le vendre ailleurs qu'en Autriche. Aber nicht in London oder New York. Que ce soit à New York ou à Londres. In Österreich gibt es aber keine potenten Or, il y a très peu d'acheteurs potentiels de Klimt en Autriche, das heißt, das Bild ist in Österreich, ce qui diminue considérablement la valeur des tableaux. Als es im Ausland on a donc dit à la famille, und wir donnez-nous le tableau, sagen, restituez-le, gib uns das Bild, et nous pourrons le faire sortir d'Autriche. Restituiere das Bild an uns, nous le vendrons plus cher à l'étranger, wir dürfen es nämlich ausführen aus Österreich. Et nous partagerons les bénéfices. Dann verkaufen wir es und dann teilen wir uns das, was da herauskommt. Si vous nous le restituez, vous en retirerez beaucoup mehr, plus d'argent. Als du in Österreich C'était un deal privé, uniquement basé sur des raisons d'ordre économique. Also, es hat eine ganz ökonomische nous nous sommes appuyés sur cette disposition particulière de la loi de restitution qui veut que seuls les propriétaires d'une œuvre restituée denen ist nämlich erlaubt, ont le droit de la sortir d'Autriche et de l'emporter à l'étranger. C'est une extra Ausnahme im Kunstrückgabegesetz in Österreich, dass es keine Ausfuhrsperre gibt. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Sotheby's. For our evening Impressionist and Modern Art sale. Lot 13 is by Klimt. And this is showing behind me. It's entitled Church in Cassone, Landscape with Cypresses, and starts £9 million. £9 million for this. At £9 million now. £9 million. You still there? You right? At £24 million. Anybody else? At £24 million then. Anybody? Your bid, Melanie's bid, and selling for £24 million. So. Oui, nous sommes allés ensemble à Londres. J'étais là et je n'étais même pas fier, j'étais heureux. Heureux comme un petit enfant. Être là avec Georges Joris devant le Klimt et entendre ce vieux papy dire chez nous, le tableau était accroché plus haut. J'étais heureux. La vente s'était bien déroulée, on avait bien vendu. Mais l'ironie dans toute cette histoire, et ce qui m'a profondément ému, c'est qu'une fois que tout avait été réglé, une fois le tableau vendu et l'argent partagé, tout le monde se sentait mieux, des deux côtés, du côté de Georges Joris comme de la famille. Il ne s'agit pas de faire que les choses aillent mieux d'un côté pour qu'elles aillent mal de l'autre. Une restitution réussie en 2017, c'est une restitution qui permet aux deux parties de se sentir mieux. Ça faisait à peu près 72 à 73 ans que je n'ai pas vu cette toile. Je peux dire que mon combat est gagné. C'était un parcours très long, mais c'est fait. Nous sommes ici dans la galerie autrichienne du Palais du Belvédère à Vienne. C'est une galerie qui abrite les grands classiques modernes du 19e siècle. Dans cette salle se trouvent les pièces maîtresses de la collection, les œuvres de Gustav Klimt et d'Egon Schiele. Le Belvédère possède la plus grande collection au monde de peintures de Gustav Klimt, même encore aujourd'hui, après la restitution de plusieurs de ses tableaux. Je m'appelle Monika Meyer et je suis historienne. Je travaille depuis de longues années au musée du Belvédère en tant que chercheuse. Je dirige les archives et je fais partie depuis 1998 de la commission de recherche sur la provenance des œuvres d'art. Vous voyez ici le portrait d'Amalia Zuckerkandl. C'est l'un des tout derniers portraits peints par Gustav Klimt. Il l'a réalisé en 1917-1918, juste avant sa mort. Il n'avait pas eu le temps de l'achever. Ce tableau est pour moi l'exemple des limites d'une restitution juridique qui ne prend pas suffisamment en compte les critères moraux. En tant qu'historien, dans nos recherches, la personne qui est représentée nous importe. Nous reconstituons sa destinée. Et nous aurions tous souhaité qu'une autre solution ait été envisagée après 1945. Après la guerre, la seconde fille d'Amalia Zuckerkandl, Hermine Müller-Hoffmann, avait en effet tenté de récupérer ce tableau. Le portrait se trouvait dans la Neue Galerie, la galerie du collectionneur viennois Otto Kallier-Nierenstein, qui avait été lui-même contraint d'émigrer aux États-Unis. Il avait acquis pendant la période nazie, en l'achetant très vraisemblablement, directement à Amalia Zuckerkandl. Malgré des négociations répétées, on n'a jamais pu aboutir à une restitution car la famille n'avait pas les moyens financiers de garder le tableau. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à occulter cette histoire. La restitution des œuvres d'art spoliées a fait l'objet de nombreuses controverses depuis 1998, et pas seulement en Autriche. C'est devenu une vraie question pour le Belvédère. En 2006, un tribunal s'est prononcé en faveur de la restitution de 5 tableaux de Gustav Klimt qui appartenaient à la collection Bloch-Bauer. Cette décision a déclenché un vaste débat dans l'opinion publique. Beaucoup de voix se sont élevées contre cette restitution. Je considère pour ma part les restitutions du Belvédère comme une grande chance. Pour moi, cette perte est en réalité un gain pour notre musée. Je parle ici d'un point de vue général. Du fait de ces restitutions, beaucoup d'œuvres ont fait leur apparition sur le marché de l'art international et ont rejoint des collections à l'étranger. Pour moi, le fait qu'une œuvre comme « La femme en or » de Gustav Klimt, le célèbre portrait d'Adèle Bloch-Bauer, soit aujourd'hui accrochée dans une galerie new-yorkaise, est une chose positive. Car cela permet à ce joyau du patrimoine autrichien d'être découvert ailleurs et d'exercer son rayonnement dans d'autres lieux. Je m'appelle Alfred Noll, je suis un avocat à Vienne et je m'occupe des restitutions. En 1945, la République autrichienne n'a pas décidé de revenir sur le pillage des œuvres d'art. Il y a beaucoup de raisons à cela que l'on ne va pas détailler ici. S'il y a eu des réparations et des restitutions en Autriche, elles ont été faites avec beaucoup d'hésitation et d'inconséquence. En effet, pratiquement aucun effort n'a été fait entre 1945 et la fin des années 90 pour restituer les œuvres spoliées, non pas à leurs propriétaires, puisqu'ils avaient pour la plupart été assassinés, mais à leurs héritiers légitimes. Il a fallu attendre que deux tableaux de Schiele, le portrait de Wally et Ville morte 3, qui appartenaient au musée Léopold de Vienne, soient saisis à New York après avoir été exposés au MoMA, pour que la question de la restitution envahisse soudainement l'espace public. Et c'est ce qui a conduit à ce qu'en 1998, on promulgue une loi sur la restitution, toujours en vigueur aujourd'hui. Qu'est-ce que dit cette loi sur la restitution ? Première condition, l'Autriche s'engage de son plein gré et sans accorder de droits subjectifs à réparer les injustices commises jusqu'en 1945. L'Autriche dit « Nous sommes prêts à restituer quelque chose ». C'est une décision volontaire, mais qui n'accorde aucun droit et ne donne lieu à aucune procédure. « No fair trial », pour reprendre les termes de la Convention des droits de l'homme. Et il n'y a pas non plus de droit de recours. C'est-à-dire qu'une fois la décision prononcée, il est impossible de se tourner vers une instance supérieure. Grâce à cette loi, depuis 1998, l'Autriche a procédé à un très très grand nombre de restitutions. Elle a bien plus restitué que l'Allemagne. Et bien plus que la France, car il y a aussi des cas de restitution en France. Cela a commencé par la restitution de la collection Rothschild dans les années 90, et ça a continué avec les tableaux de Jorisch, de Jenny Steiner, et j'en passe. Des transactions qui se sont élevées à plusieurs millions d'euros. L'Autriche a réellement fait beaucoup plus que les autres pays en matière de restitution. Mais en même temps, elle a mis en place un régime juridique très problématique. En effet, c'est un régime qui ne considère toujours pas les victimes comme des sujets, mais qui les traite à nouveau comme des objets. En tant qu'avocat très concerné par les questions des droits de l'homme, c'est quelque chose qui me rend furieux. Car les victimes ne sont toujours pas reconnues comme des sujets. Sie werden nicht in eine Position gerückt, die es ihnen möglich macht, aktiv und als persönliche Integrität ihre Rechte wahrzunehmen. D'une grâce de la part de l'État. Sondern sie erleben einen Akt der Gnade. Und das hat in Österreich große Tradition. Seit Joseph C'est une vieille tradition autrichienne qui remonte à Joseph II et à Marie-Thérèse. Österreich erwartet das Gute. L'Autriche attend toujours que le bien vienne d'en haut. Das Gute muss immer von oben kommen und es wird ausgeteilt. Et qu'il soit ensuite redistribué sous la forme d'une grâce. Das kann zu guten, schönen Ergebnissen führen und deshalb beharre Cela peut donner de très bonnes choses et c'est pourquoi j'insiste. Es ist gut, wenn der Staat das Richtige C'est bien quand l'État fait ce qui est juste. Aber ich will den Staat prinzipiell nicht als einen, der nur gewährt. Mais un État ne peut pas se contenter d'accorder la grâce. Les victimes doivent aussi pouvoir faire valoir leurs droits. Je m'appelle Pia Schellenberger. Je suis historienne. J'ai fait mes études à l'université de Vienne et maintenant je travaille au musée Albertina à Vienne. Je suis chercheuse de provenance d'objets d'art de l'Albertina, des dessins. Und der erste Schritt in dieser Erforschung Et la toute première étape dans mes recherches, c'est d'examiner l'œuvre originale. Je l'examine toujours des deux côtés, de face et de dos. Je regarde le dos à la recherche d'indices, des tampons de marchands, des marques d'anciens propriétaires. C'est finalement ce geste qui distingue deux modes d'approche très différents d'une œuvre d'art. Analyser une œuvre d'art de face relève très clairement de la pratique d'un historien d'art. Le chercheur de provenance, lui, retourne l'œuvre sur le dos. Il la dégage de son passe-partout. Le chercheur de provenance est dans l'expertise, dans la quête d'indices, dans la recherche de marques, d'empreintes, de traits de crayon, etc. Mais tout est possible quand vous... Quand vous explorez l'histoire d'un objet d'art, tout est possible. Mais c'est vraiment dur. Et aussi émotionnellement, naturellement. Il y a des cas quand je dois pleurer et dont je suis heureuse, je me sens heureuse de encore pouvoir pleurer. Je connais des gens qui peuvent plus pleurer. Quand il travaille sur le choix, et c'est vraiment un problème, oui. Et je me réjouis de pouvoir exercer un travail que je peux revendiquer. Weil hier im Vergleich zu anderen Ländern etwas eingelöst wird. Parce qu'ici, à la différence d'autres pays, was letztlich nicht nur Lippenbekenntnis ist. Die Washingtoner Erklärung kann für viele Länder Les principes de Washington sein. In Österreich gibt es ein ne sont pas qu'un vœu pieux. Das tatsächlich exekutiert wird. Il existe une loi Und en Autriche et on l'applique vraiment. Ein Erlebnis von mir, wo eine Enkelin et je me souviens du cas de cette petite fille qui avait récupéré un objet spolié à son grand-père. Einzige, was übrig geblieben ist von ce n'était pas une chose de grande valeur, mais c'était la seule chose qui lui restait de ce grand-père qui avait été assassiné. La petite fille n'avait plus rien de son grand-père, si ce n'est qu'elle lui devait, pour ainsi dire, le fait d'exister. Mais il y avait, désormais, cette toute petite chose qu'elle pouvait tenir dans ses mains. Elle est là. So wertvoll befinde, was an diesen Werken anhaften kann. Diese kleinen La valeur de ces œuvres pour moi. Dieses dem Vergessen entreißen. Dans ces petites histoires arrachées à l'oubli. Il n'y a pas de réparation. Je déteste ce mot. En Autriche, on n'a pas le Wiedergutmachung. C'est le nom d'une loi allemande, mais Wiedergutmachung, non, ça ne fonctionne pas. Comme si quelque chose n'était pas passé, mais ce n'est pas possible. Non. On peut montrer le respect, on peut dire je suis désolée. Même si moi, comme individuel, je suis pas, j'ai pas fait des choses parce que j'ai né dans les années 80, mais comme société, là, on a la responsabilité. Aussi la France, Vichy et tout ça, mais c'est aussi la collaboration. C'est vraiment, pour la France, c'est encore un problème, non? On ne veut pas d'art volé. Et on ne veut pas de Raubkunst dans notre musée. Je suis désolée, mais moi, je ne veux pas, quand je entre dans un musée autrichien, je ne veux pas voir des choses qui ont été volées ou spoliées. Des nazis, je ne veux pas ça. Ja, mein Name ist Birgit Schwarz und ich arbeite seit Je m'appelle Birgit Schwarz. J'étudie depuis 17 ans 17 Jahren über den NS-Kunstraub, le pillage de l'art sous le régime nazi et je m'intéresse tout particulièrement à Adolf Hitler comme artiste und, seine Kunstpolitik, à ses activités de collectionneur et à sa politique artistique. Natürlich noch viel zu tun. Il y a bien sûr encore beaucoup à faire dans le domaine de la recherche de provenance. Und es wird auch ein Problem sein oder ist schon längst ein Problem, das nicht. C'est un problème qui ne touche plus seulement l'Allemagne ou l'Autriche. Grenzt ist, sondern dass alle Länder. Mais tous les pays qui possèdent encore des œuvres aux origines douteuses sont concernés. Da sind natürlich immer noch Werke belastet, ganz sicher, ja. Und es gibt noch viel zu tun und es wird auch in Frankreich. Quand la France va en prendre conscience, ein größeres Problem werden. Cela risque de devenir un gros problème. Wenn das Bewusstsein da gewachsen sein wird. Car cela ne fait aucun doute. Denn natürlich sind viele der Werke, die Nazis damals in Frankreich, vor allen Dingen in Paris, angekauft. Une grande majorité des œuvres achetées par les nazis, surtout à Paris, provenaient du marché de l'art français. Die sind dann, ich spreche jetzt immer für diese Hitler-Sammlung, nicht also je parle ici uniquement de la collection Hitler, pas d'un point de vue général. Frankreich zurückgegeben worden an den Staat. Après la guerre, auch mit der Auflage, sie ces œuvres ont été redonnées à la France. Ist hier in Österreich passiert. L'État français gab's auch in Deutschland, ja. Était censé ensuite les restituer. In Deutschland und in Österreich ist da inzwischen mehr passiert als in Frankreich. Comme ce fut le cas en Autriche et en Allemagne, où beaucoup plus de choses ont été entreprises qu'en France, en Hollande ou dans les autres pays. Und da sehe ich schon noch das Problem, dass cela va être difficile en France, also parce qu'il va falloir ouvrir les archives du marché de l'art pour pouvoir élucider la provenance de ces œuvres. Und das ist ein großes Problem. Et c'est un gros problème. Das ist ein Riesenproblem. Un énorme problème. Das ist ein politisches Problem. Un problème politique. Sie hängen ja alle. Les œuvres sont toutes là. Die Kunstwerke. Accrochées au Siemens. Und dann steht bei manchen Museen. Dans certains musées, vous pouvez même lire Acquisition du Musée Linz. Da steht da erworben für das Museum in Linz. Mais on ne précise pas de quel Linz il s'agit. Also steht nicht in welchem Land sich Linz befindet. Es gibt Linz, ein Linz in Deutschland, Allemagne. Es gibt ein Linz in Österreich. Ou Linz en Autriche. Da steht nicht et also für wen das angekauft wurde. On ne précise wurde, pas non plus pour qui le tableau avait été acheté, en l'occurrence pour Hitler. Da steht nicht Führermuseum. Il n'y a pas écrit Musée du Führer. la France et ses mensonges. Mmh. Ah. Mais bon. Tout le monde a profité de ces opérations douteuses où l'origine des biens n'est absolument pas assurée. Je dois dire qu'à Drouot, il y avait également des ventes de biens israélites. Or, lorsque nous nous trouvions dans une vente de biens israélites, personne, nul ne pouvait ignorer la provenance des œuvres d'art. Donc, une grande partie des marchands ont pu tremper dans ces opérations douteuses et ne vont finalement être que très peu inquiétés lors de la période de l'épuration. Très vite, on va passer à autre chose. Les grandes galeries qui ont pu ouvrir à cette époque et ou qui ont pu faire des opérations fructueuses très importantes vont rester ouvertes. On pignon sur rue et très vite on passe à autre chose. Dans les années 50, n'oublions pas que nous sommes dans la volonté de construire l'Europe, que l'on peut revoir ressurgir un antisémitisme virulent et très vite cette histoire va passer dans l'oubli. Je suis Emmanuelle Polak, je suis chercheure, je suis chargée de mission à l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et depuis quelques 3-4 années, je tente de développer en France les recherches de provenance. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de voir entre quelles mains en 1939 une œuvre est et de bien vérifier qu'elle est dans cette même main, sauf si elle a été vendue de façon volontaire, en 1945. Je pense qu'il y a encore des freins sur cette période, qu'on n'en parle pas facilement, que les archives, notamment les archives des commissaires-priseurs, les archives des galeries, ne sont pas toutes ouvertes. Ce sont des archives privées pour certaines. Ce sont des recherches qu'on mène avec ténacité, de haute lutte pour obtenir des dérogations. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se démobiliser. Or, quelquefois, on a envie de nous faire lâcher prise. Et je pense qu'un des trait de caractère qui va caractériser mon travail est dans la ténacité. Je ne lâcherai pas. Je veux véritablement mener à bien, lorsque j'ai un soupçon de spoliation, eh bien, je vais, avec les moyens mis à disposition, je vais au bout des choses. Alors, c'est vrai que ça prend du temps, mais je ne lâcherai pas. Pauline Baird. Alors, inventaire du mobilier faisant l'objet de notre contrat, donc c'est ce qui a été volé chez Tailleur, le garde-meuble. Des petites choses, hein. Et c'est des choses qu'on peut pas retrouver, parce qu'une table basse, deux plateaux, dont celui de dessus rayé, une petite table à cajou, une vitrine ébène, une petite table basse dorée Louis XV, une grande table, une petite table. C'est incroyable. Un paquet de tableaux. Alors ça m'a plongé dans le... Qu'est-ce que ça veut dire un paquet de tableaux? Et au-dessus, il y a écrit quelque part deux tableaux. Alors, un paquet de tableaux, ça veut dire plus que deux. Le tout enlevé par les services allemands de l'avenue d'Iéna le 7 juillet 42. Et ça, je voudrais quand même... Et là, je suis prête vraiment à me battre là-dessus. Avant de penser à porter plainte contre un musée, il faut se battre, je crois, pour que ces archives soient ouvertes. Que les quitus des commissaires-priseurs soient accessibles à tout le monde. Qui a vendu quoi pendant la guerre? Quels appartements ont été pris par la Mobile Action? Que toutes les photos des tableaux qui ont été pris par la Mobile Action qu'on trouve qu'à Coblenz soient diffusées sur Internet. Qu'on centralise toutes ces informations et qu'on ouvre les archives beaucoup plus qu'elles ne le sont, qu'on ne soit pas obligé de demander des dérogations, que les archives des notaires bénéficie pas des 75 ans de non-consultabilité. Il faut simplifier, aider les gens et centraliser les informations. Il y a une constante dans les histoires de déplacements forcés d'œuvres d'art ou violents d'œuvres d'art, que ce soit en temps de guerre, sous la colonisation ou dans différents contextes. Une des constantes, c'est que les victimes ou celles qui se considèrent comme les victimes n'oublient pas. Bénédicte Savoie. Et n'oublie pas pendant très longtemps. On a des cas dans l'Antiquité où une statue doit attendre 1635 ans avant d'être restituée. Et ensuite, on sait par les récits d'Assurbanipal que 1635 ans après, il est allé la sauver et la ramener chez lui, qui est son vrai lieu digne d'elle. On sait que les spoliations napoléoniennes sont restées dans la mémoire de l'Europe jusqu'à la Première Guerre mondiale et que même pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en Allemagne, on faisait des listes d'objets pris par Napoléon, emportés à Paris et restés à Paris. Et aujourd'hui, à peine 8 décennies, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression parfois où on pourrait penser que voilà, ça y est, il est temps d'oublier, etc. Mais en fait, quand on s'occupe de manière historique de ces questions-là, on voit que en fait, plus le temps passe, moins on oublie. C'est-à-dire que les générations ou le fait d'avoir touché le patrimoine culturel d'un groupe, d'une ville, d'un État, d'une nation, est une blessure identitaire si profonde, sachant que l'identité est une construction, mais est une blessure si profonde que c'est quelque chose que les générations se transmettent. Donc, on n'oublie pas, d'une part. Et d'autre part, même quand il y a réparation, même quand il y a restitution, même quand il y a retour à l'état antécédent, on n'oublie pas non plus. C'est-à-dire que la question de la restitution, c'est simplement une goutte d'eau dans le vase de cette très grande question des blessures patrimoniales, des émotions patrimoniales et des blessures patrimoniales qui dépassent vraiment de loin ce cas-là, qui est un des cas qui nous a le plus touchés en Europe et dans le monde des spoliations nazies, mais qui touche toutes ces questions et qu'on connaît maintenant ou qu'on va connaître encore plus au XXIe siècle avec les patrimoines coloniaux, enfin le patrimoine saisi en Afrique, saisi ou acheté par le marché de l'art, mais en tout cas une culture qui se sent dépossédée, même si elle ne s'est pas sentie tout de suite dépossédée sur le moment. Mais il se peut très bien que le sentiment de la dépossession arrive après, pour d'autres raisons historiques. Et c'est au moment où il arrive qu'il faut le prendre très au sérieux. Si on ne prend pas ce sentiment de la dépossession et de la blessure patrimoniale au sérieux, on produit une haine, en tout cas dans l'histoire, c'est comme ça. Ça mène de guerre mondiale, en quelque sorte, ces questions de restitution. Et c'est pour ça qu'il faut, à chaque époque, être très sensible à ça et écouter toujours ceux qui manifestent une douleur patrimoniale. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que tout était volé par la Mobile Action. C'est-à-dire, les appartements des Juifs étaient vidés entièrement. Et de voir les listes de ce qui était vendu à Drouot, même de petites choses, d'appartements entiers, de cafetières, ça m'a beaucoup frappé. En plus, c'est un grand donateur du Louvre, c'est un mécène. Et je trouve que, profondément, j'aurais trouvé ça assez injuste, en fait, que quelqu'un qui a beaucoup donné au Louvre, qui est en relation avec le directeur du Louvre, pour qui c'était très important, sa femme allait au Louvre beaucoup, elle touchait les toiles pour apprécier la peinture. Enfin, donc c'était vraiment un très très grand amateur d'art et un ami du Louvre et de son directeur. Je trouve que, voilà, il fallait que, quand même, à un moment, il y ait cette réciprocité. Parce qu'il est au Louvre, ce dessin. Ouais. Où ça? Dans les MNR, donc en dépôt. Il n'appartient pas au Louvre, mais il est en dépôt jusqu'à ce qu'on retrouve son propriétaire. Depuis 48. Ça fait un certain temps. J'avoue, alors... J'ai l'impression de... un peu naïve, mais de réparer un peu les drames que ça a dû être pour un collectionneur de se faire voler ses... sa collection, qui était toute sa vie, c'était son métier, sa vie, c'était tout. Donc j'ai l'impression d'être un peu en dialogue avec mon arrière-grand-père, dire voilà, ben le voilà ton dessin. Entartete Kunst. L'art dégénéré. par Christine Le Serve. Aujourd'hui, la blessure mémorielle. Avec Pauline Baer, Bernard Maas, Georges Jorich, Edith Jorich, Alfred Noll, Monika Mayer, Pia Schönberger, Birgit Schwarz, Emmanuel Pollack, Bénédicte Savoie et les voix de Claude Aufort, Martine Schambacher, Andrea Schiffer et Laurent Lederer. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonne Abolivier. Prise de son, Laurent Lucas et Olivier Dupré. Mixage, Cédric Châtelus. Réalisation, Franck Lilin. Regardeurs, collectionneurs, spoliés, voleurs, LSD, c'est fini pour cette semaine. Et pour pister les tableaux, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour le procès ou nous réécouter chez l'avocat, eh bien, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram pour voir des photos de l'intérieur de la maison de la radio. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs et qui vient même d'inaugurer une plage réservée aux documentaires audio. Et la semaine prochaine, nous irons ausculter les relations entre l'homme et l'animal.